achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Je m'appelle Jean-François. Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Le Terminus en direct des studios de CISM. Chapeau à Catherine Perrault et au gars de la Swamp qui était en direct tout à l'heure des Francopholies. De notre côté, on va écouter au courant de la prochaine heure du rock indépendant de la scène locale, mais aussi d'un peu partout dans le monde. Par exemple, il y aura du Mordicus, The Coat Hangers et une nouveauté de Red Mass. En introduction d'émission, c'était Montgomery qui vient de la ville de Rennes en France. La chanson Athlète se retrouve sur l'album Stromboli. Le prochain segment, il va être composé de trois groupes de la région de Montréal qui ont tous, à un moment ou l'autre, travaillé avec le chanteur et le réalisateur Murray Lightburn. On débute avec For Those About to Love, dont trois membres, Martin Pelland, Valérie Jodoin-Keaton et Georges Donozo III, ont déjà fait partie du groupe The Beers, le groupe de Murray Lightburn. For Those About to Love a fait paraître un premier album homonyme en 2009. Voici la chanson Good vs. Evil sur les ondes de CISM 89.3. Harvey avec I Keep Everything de l'album Fury, sorti en février dernier et réalisé par Murray Lightburn. Voilà le lien. Juste avant, on entendait le groupe de M. Lightburn, The Bears, qui ont aussi fait paraître un nouvel album en février, Degeneration Street. J'ai choisi la chanson Yesteryear. On poursuit maintenant avec deux groupes rock du Japon. Contrairement à la Chine, par exemple, la culture rock est présente au Japon depuis à peu près les années 1960. Le premier groupe s'appelle Mass of the Fermenting Dregs. Il provient de la ville de Kobe, au sud de l'île principale du pays, Honshu. À sa fondation, en 2002, le trio était exclusivement féminin, mais seule la chanteuse et bassiste Natsuko Miyamoto est encore dans le groupe, avec maintenant un batteur et un guitariste masculin. Musicalement, le trio alterne entre le pop-rock et le post-rock shoegaze. Mais on va débuter avec un groupe qui est présent sur la scène indépendante japonaise depuis à peu près une vingtaine d'années et qui a produit depuis une quinzaine d'albums, maintenant basé dans la capitale Tokyo, le groupe Eastern Youth a joué à quelques reprises aux États-Unis déjà, notamment en support du groupe américain Cursive. Ils ont d'ailleurs sorti en 2002 avec Cursive un split, entre guillemets, qui s'appelle Hate to Eat You. On va d'ailleurs entendre une chanson tirée de cet album-là qui s'appelle Itsu Demo Koko Niuru. Pardonnez ma prononciation. Alors, jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Eastern Youth et Mass of the Fermenting Dregs. Le prochain groupe, Male Bonding, revient déjà avec un nouvel album dans le pop-punk après la sortie de Nothing Hurts l'année passée. Le nouvel album Endless Now sortira le 30 août sur l'étiquette de Seattle Sub Pop. Sur les ondes de CISM 89.3, voici le premier extrait Bones de la formation Male Bonding. We'll be right back. policier. We'll be right back. large. Vous écoutez le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant d'ici et d'ailleurs. On vient tout juste d'entendre de la ville de Minneapolis aux États-Unis, The Chambermaids, avec Down in the Berries, tiré de l'album du même nom. Selon leur page Facebook, le groupe serait en train de préparer un mini-album de 8 nouvelles chansons qui devraient sortir dans les prochaines semaines. Avant The Chambermaids, c'était Mordicus avec Plastic Melody, une chanson qui devrait figurer sur un premier album à paraître plus tard cette année. Mordicus, ça, c'est les anciens Mockingbirds qui font maintenant du rock britannique, mais en français. Ils sont rendus quand même en finale du Festival international de la chanson de Granby en 2010, mais n'ont pas pu dépasser le round des préliminaires au Francouverte 2011 qui se déroulait au début de l'année. On se tourne maintenant vers un groupe féminin d'Atlanta dont le nouvel album Larceny and All the Lace vient d'entrer en 27e position du palmarès album de CISM. Voici The Coat Hangers avec la chanson Johnny. We'll be right back. Sarah Larkin de Leeds en Angleterre avec Steel Windmills. C'était précédé des Montréalais de Final Flash avec Go Outside. Le groupe tenait absolument à confier la réalisation de leur premier album à Jace Lacette des Burst North Lakes, ce qui a fait en sorte que leur premier album est sorti avec quelques mois de retard pour finalement sortir au printemps 2010. Nous voilà déjà rendus à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Allez faire un tour sur le site de la station, le CISM893, pour retrouver la balado-diffusion et également la liste des chansons qui ont passé. Allez également faire un tour du côté du blog de l'émission, leterminus.ca. Étienne Champagne suit à l'instant avec Rythmologie jusqu'à 22h. 12 pouces dans le jazz prendra par la suite le relais jusqu'à minuit. On se quitte avec Red Mass qui viennent de lancer le Summer Love EP sur lequel figure une chanson en français, Cadavre mécanique. Ici Jean-François, passez une bonne semaine. À bientôt. C'est un robot qui ne pleure jamais. Il n'a aucune émotion. Avec un cœur de fer et des circuits parcourant son cerveau. Il ne connaît ni la haine, ni l'amour. Jamais eu de chagrin, ni de joie, et ne fait que rouiller. Mais aujourd'hui, dû à un court circuit, il s'ennuie et veut savoir ce qu'est le plaisir.